Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 à Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour voir les différentes promotions. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle qu'acheter localement protège nos emplois dans la région. Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, profitez du prix employé jusqu'au 2 octobre sur le F-150. De plus, profitez d'un rabais de 1 000 $ supplémentaires si vous êtes membre Costco. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford souligne l'importance d'acheter localement pour soutenir notre économie. On va parler avec notre ami Pascal Masson des Alouettes et de la Ligue canadienne de football. J'ai l'impression qu'on se répète semaine après semaine, mais on va faire la même chronique. Mais encore une fois, cette semaine, il s'est passé des choses vraiment bizarres chez les Alouettes de Montréal. On en parle avec Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, c'est très bizarre ce qui se passe chez les Alouettes. Hein? Écoute, là, on a échangé Chris Hackey, qui est probablement le meilleur joueur canadien. On a échangé Patrick Lavoie. C'est sûr que Patrick Lavoie va être joueur autonome à la fin de la saison. Même chose pour Hackey. Par contre, je suis pas sûr, mais qu'il va être. Normalement, quand tu les échanges, normalement, tu reviens pas. Donc, c'est très bizarre ce qui se passe. Hein? Ah, écoute, c'est. C'est pathétique. Il y a pas de mots. C'est encore plus triste. C'est encore plus triste que triste. Là, ouais. On n'arrive pas à nous attacher du tout là auprès de cette équipe là. Kevin Street, Kevin Street, en plus les histoires qui nous sortent après les échanges, c'est là t'as eu deux choix de deuxième round puis un receveur de passe qui a rien prouvé dans les Canadiennes en trois saisons. Puis c'est un receveur de passe canadien par contre, mais quand même. C'est tu sais, est-ce que le fait qu'on a donné beaucoup pour Johnny Manziel en choix de repêchage, Kevin Sweet essaie de se rattraper? Ben écoute, Kevin Sweet, vous vous souvenez de son discours lorsqu'il a échangé ses choix de repêchage pour Johnny Manziel. Son discours, c'était que de toute façon, les choix de repêchage de les Canadiens, c'est un coin de tasse, c'est un hasard, c'est presque comme jouer au casino. Et puis là, il va chercher... Je veux dire, tu vas chercher un choix de deuxième ronde pour Hackey, qui était un choix de première ronde, qui est ton meilleur joueur défensif. Bon, là, il va nous dire, ouais, mais tu sais... Canadien en plus. Mais tu sais, on essaie de nous faire croire que ce serait une stratégie de fait qu'il allait être joueur autonome puis qu'ils vont aller le rechercher de toute façon dans leur plan, mais qu'ils ont... Tu sais... Écoute, l'avenir nous le dira, là, mais moi, j'aurais bien mieux aimé voir les Alouettes investir en nous démontrant qu'ils veulent mettre des joueurs solides comme Hackey, puis de leur signer, de tenter de leur signer tout de suite. Puis... Mm. Mais non, c'est ça. En plus, bon, on va échanger Patrick Lavoie. Bon, Patrick Lavoie, il commence à être plus vieux comme joueur, mais c'est un leader, c'est un capitaine. Ouais. Mm. C'est pas comme si des ailiers rapprochés puis des centres arrière, on en avait des tonnes. C'est un joueur qui représente bien l'équipe, qui est québécois. Donc, tu sais, on va l'échanger avec Philip Blake pour un autre choix de deuxième ronde, un receveur canadien. Un receveur canadien, là, Joshua Stamper, là, c'est pas un receveur qui vient tout juste d'arriver, là. C'est pas Brad Sanapoli, là. On est loin de Brad Sanapoli, là. T'sais, ah ben, on est loin de ça, certain. Puis là, on va chercher un choix de deuxième ronde. Philip Blake, c'était pas un joueur super, mais on a besoin de profondeur sur la ligne à l'attaque. Ouais, on sait qu'il n'y aura pas 5 partants qui vont jouer toute l'année. Mm. Là, on avait un joueur canadien qui pouvait. Je veux pas que Philip Blake soit notre partant, certainement, mais au moins, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui est en arrière. Ça, puis s'il y en a un qui tombe, il peut venir. Tu sais, en tout cas, je trouve que les stratégies sont vraiment bizarres. Kevin Smith va dire que les partisans des Alouettes sont pas assez patients, qu'il a diminué la moyenne d'âge d'une grosse façon depuis qu'il est en poste. Écoute, il va dire aussi que discuter avec Patrick Lavoie puis Chris Hackey avant les, les, les échanges, puis que tu sais que tout le monde était d'accord avec ça, blablabla. Bla, bla. Puis on parle d'une surprise totale du côté de Chris Hackey. Ouais. Donc, encore une fois, les discours ne sont pas cohérents d'un côté comme de l'autre. Mais quand je voyais il y a deux semaines qu'on échangeait à Road Sutton, justement Patrick Lavoie était en beau, on voyait qu'il était en beau maudit. Bruno Hippel, qui avait été à pratique, disait que c'est pas... écoute, là, les joueurs étant, semblaient vraiment pas de bonne humeur. Là, tu échanges Patrick Lavoie en plus. C'est quoi l'ambiance qu'il y a? Ça doit être épouvantable. C'est qui tes leaders? Ouais, c'est qui tes leaders? C'est qui les leaders de cette équipe-là? Ouais. Je veux dire, tu sais, Chip Cox, là, c'est sa dernière année. Là, je peux pas voir qu'il va revenir l'année prochaine. Non. C'est pas au même affaire. Après ça, à l'attaque, je veux dire, Luc Brodeur-Jourdain, il n'a pas été partant cette année. Et c'est difficile de prendre du leadership dans ce temps-là. De Christian Matt, peut-être, tu sais. Un receveur de passe, c'est pas eux autres qui peuvent vraiment prendre du leadership. C'est un gars, une chance qu'on a Johnny Manziel, hein. Puis tu sais, il y a bien du monde qui peuvent dire des choses, mais c'est notre meilleur joueur, puis j'espère vraiment qu'il va être là pour quelques années, parce que c'est lui qui va... ça va passer par lui. Puis tu sais, une autre déclaration qui m'a fait sursauter, moi, c'est quand Kevin Sweet a dit que pour la première fois, on compte sur un groupe incroyable de carrière entre Jeff Matthews, Nick Davis, Antonio Pipkins et Johnny Manziel. À l'exception de Johnny Manziel, là, à ce que je sache, là, on avait toutes ces carrières-là pratiquement au début de la saison. Là. Ouais. Il dit pour la première fois, cette organisation n'a pas connu ça depuis le départ d'Anthony Carvillo. T'as ajouté Johnny Manziel dans ton groupe, le reste, tu les avais déjà, là, puis t'as pas réussi à gagner plus que trois matchs. Non, non, c'est vraiment, là, c'est triste à mourir. J'écoutais, Didier Mégis sur Twitter disait que, disait sur Twitter, on devrait interdire un gars qui a une fiche de 6 victoires, 27 défaites. Tu ris parce que tu l'as vu passer. Ouais. Et il dit, on devrait l'interdire. On devrait... Fait que si ça veut tout dire. Là, regarde, j'ai trouvé ça bien drôle aussi quand j'ai vu ce commentaire-là. Ouais. Puis on dirait que je suis pas en désaccord avec ça. Ben non, c'est sûr. Là, je veux dire, écoute, on commence à se poser des questions si Mike Sherman va être de retour. Ben, on se pose des questions. Si Sherman veut revenir. Lui-même va vouloir revenir. Là. Ouais. C'est parce sûr. Que, je veux dire, j'ai discuté avec un de mes bons amis, Dominique Picard, là, qui a joué des années dans la Ligue canadienne hier, justement. On parlait de Sherman en se disant, tu sais, il n'a pas fait de vague cette année, on l'a pas trop entendu. Le monde qui ne suit pas le football, ils ne sauront même pas. Tu sais, le monde connaît Mark Sherman, et ils ne savent même pas probablement Sherman, qui est l'entraîneur-chef des Alouettes, parce qu'il est assez effacé comme personnage. Ouais. Bon, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que Sherman. En fait, de son mieux avec, tu sais, une transition dans une nouvelle ligue, en connaissant un peu cette ligue-là. Puis, il n'y a pas de fait de déclaration incendiaire, là, où ce qu'il a mis du monde en dessous de l'autobus, ou peu importe, t'sais. Sauf que moi, je me disais, le monsieur, là, qui a quand même, il a quand même une carrière avancée, là. Puis il n'y a pas besoin de ça, s'entend-tu pour dire qu'il n'y a pas besoin de ça? Non, c'est ça. Est-ce que on s'entend-tu que moi, je suis tanné, je suis fatigué, puis je vais aller à ma retraite? Ou il va se dire, je peux pas croire que je vais finir là-dessus, puis je me donne une autre année? J'ai comme l'impression, moi, qu'il doit être complètement brûlé, puis qu'il va. Qu'il va réfléchir comme il faut à son avenir, parce que. C'est un gars, quand même, qui a gagné dans la NFL, dans le plus gros circuit. Et là, il arrive dans la Ligue canadienne de football, puis. Mais moi, mon sentiment, c'est pas qu'on a perdu. On a perdu à cause de l'entraîneur-chef. Ça, c'est non, ça. C'est beaucoup plus le GM qui nous a fait perdre. Et aussi, j'écoutais Bruno Hippel cette semaine dire. Que le gars qui est aux États-Unis, Joe Mack, qui recrute les joueurs américains, semble-t-il qu'il était à Winnipeg avant, puis l'équipe s'est mise à gagner quand on s'est débarrassé de lui. c'est vraiment une tristesse incroyable. Oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre aussi que c'est qui engage ces joueurs, c'est pas ces joueurs-là, mais c'est son personnel. Ouais. C'est Kevis Reed. Ouais. Puis qui c'est qui va aller jouer pour Cavis Reed? Ah non. Tu sais, on a eu de la misère à se trouver un entraîneur-chef. On a trouvé Sherman. On a eu de la misère à se trouver un commandant défensif. On avait trouvé Carter. Après deux semaines de camp. On a pris Stubler qui, probablement, lui, il travaillait de son salon. Mais là, il s'est ramassé comme coordinateur défensif. Puis dans ses belles années à Toronto, où il y avait des joueurs incroyables. Ouais. Il n'y a rien d'idéal là-dedans. Là. OK. Pascal, en terminant, je vais te parler des Argonauts de Toronto. Si à Montréal, on trouve ça triste à mourir. À Toronto, c'est pas de dire mieux. Écoute, est-ce que le fait d'avoir perdu Ricky Ray en début de saison, c'est certainement ça qui a fait que c'est une saison de misère, même si Mark Trestman est là, même si Jim Popp est là. Je regarde la liste des blessés, ils ont beaucoup, beaucoup de blessés également. Le deux jeunes cœurs, Clark Thompson, qui a commencé à BC la semaine passée, on dit que ça va être Franklin qui va être le cœur en fin de semaine. Franklin qui a monté beaucoup, beaucoup d'énergie dans le match contre BC. Puis Jim Popp, soyons honnêtes, à la fin, comme directeur général des Argonauts, des Alouettes, il était un petit peu fatigué. Est-ce que ça vient encore hanter Jim Popp? Ou c'est les blessures? Ben, moi, la façon que je vois ça, là, OK, c'est que l'an passé, là, c'est Toronto a gagné la Coupe Grey. Mais Toronto a une saison quand même de misère l'année passée. Ouais. Puis ils ont connu deux trois bons matchs en fin d'année qui leur ont permis de surprendre dans un match tempête, là, dans le sens qu'il ne faisait pas super beau. Les Stampeders, bon. Puis là, ils ont gagné la Coupe Grey, puis ils ont sauvé leur saison avec ça, OK? Là, cette année, ils réussissent pas là à avoir un peu le momentum qu'ils ont eu en fin d'année. De l'année passée, je pense. Et puis, on voit vraiment le vrai visage, je trouve, de ce que Jim Popp a fait aux Alouettes. Hein, tu sais, là, on se disait l'année passée, ah, ben, tu vois, Jim Popp, c'est vraiment les Alouettes, c'est le problème, ils gagnent la Coupe Grey. Ouais. Cependant, si on regarde les joueurs, encore une fois, le travail fait par Jim Popp, c'est pas incroyable. Le côté qu'on questionne beaucoup, c'est Pressman, tout le monde, puis moi y compris, disons à quel point que c'est un bon entraîneur-chef, que c'est un génie offensif. Mais là, on commence à questionner le fait qu'il a été bon à Montréal, il y avait cardio. Ouais. Le succès qu'il a connu, le quelques succès qu'il a connu avec Toronto, il y avait Ricky Ray. On parle d'une personne qui a peut-être une difficulté à développer des amis corps, tu sais. On dit que c'est un gourou de carrière, tu sais. On a dit que c'est un gourou. C'est ça, puis là, on voit que c'est difficile en ce moment, parce que quand il n'y a pas ces carrières-là, on réussit pas à gagner du tout, là. Fait que ça, c'était des questionnements qu'on a. Ben, ceci dit, moi, je reprendrai Mark Pressman demain matin pour avoir joué pour lui, là. Ouais. Puis l'avoir vu faire, là. Par contre, Jim Popp, moi, je suis pas convaincu, mais pas du tout. Je pense qu'il a fait son bon temps. Son temps est fait comme directeur général, comme tout le monde. Je pense que... Moi, personnellement, c'est mon feeling. Parce que mais c'est sûr mais que la blessure de Ricky Ray fait mal. Là. Je ne comprends pas d'histoire non plus. Ça a fait très mal en début de saison. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, quand tu as Ricky Ray comme carrière, c'est super que c'est problématique. C'est pas surprenant. Dang. Effectivement. Pascal, on va la semaine prochaine pour continuer un autre chapitre des Alouettes de Montréal. c'est un roman savon cette année. J'ai hâte de voir comment ils vont faire, un, le bilan de saison et deux, pour la vente des billets de saison l'an prochain. Ça va être épouvantable. Tu sais, comment peux-tu prévoir? Il faut que tu vendes de l'espoir, puis si la même gang est de retour, tu peux pas vendre des billets avec cette saison, là. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer de nous raconter toutes sortes d'histoires, probablement. Cependant, là, on l'a vu, là, tu sais, on nous a conté les histoires l'an passé et on a vu le résultat cette année. Ouais, effectivement. Il faut pas nous prendre pour des valises. Pour des nonos, là, tu sais. Non, effectivement. Pascal, on s'en reparle la semaine prochaine. Notre ami Pascal Masson.